Bonjour monsieur, j'ai deux billets aller-retour Paris-Montpellier, mais je voudrais changer pour un billet aller-retour Paris-Perpignan. D'accord monsieur. Les billets sont bien remboursables. Oui, puisque vous les changez avant votre départ, il n'y a pas de problème.